Chapitre 2 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1, Chapitre 2 De la tristesse. Je suis des plus exempts de cette passion. Et ne l'aime ni l'estime. Quoique le monde ait entrepris, comme a pris fait, de l'honorer de faveurs particulières. Ils en habillent la sagesse, la vertu, la conscience, sot et vilain ornement. Les Italiens ont plus sortablement baptisé de son nom la malignité, car c'est une qualité toujours nuisible, toujours folle, et comme toujours, couarde et basse. Les stoïciens en défendent le sentiment à leurs sages. Mais le conte dit que Psamantius, roi d'Égypte, ayant été défait et pris par Cambyse, roi de Perse, voyant passer devant lui sa fille prisonnière habillée en servante, qu'on envoyait puiser de l'eau, tous ses amis pleurant et lamentant autour de lui, se tint coi sans mot dire, les yeux fichés en terre, et voyant encore tantôt qu'on menait son fils à la mort, se maintint en cette même contenance. Mais qu'ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, se mit à battre sa tête, et menait un deuil extrême. Ceci se pourrait apparier à ce qu'on vit dernièrement d'un prince des nôtres, qui, ayant ouï à 30, où il était, nouvelle de la mort de son frère aîné, mais un frère en qui consistait l'appui et l'honneur de toute sa maison, et bientôt après d'un puits né, sa seconde espérance, et ayant soutenu ses deux charges d'une constance exemplaire, comme quelques jours après, un de ses gens vint à mourir, il se laissa emporter à ce dernier accident, et quittant sa résolution, s'abandonna au deuil et au regret, en manière qu'aucun en prendre argument, qu'il n'avait été touché au vif que de cette dernière secousse. Mais à vérité, ce fut qu'étant d'ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience. Il s'en pourrait, dis-je, autant juger de notre histoire, n'était qu'elle ajoute, que Cambyse, s'enquérant à Psaménitus, pourquoi, ne s'étant émeu au malheur de son fils et de sa fille, pourquoi si impatiemment celui de ses amis? C'est, répondit-il, que ce seul dernier des plaisirs se peut signifier par larmes, les deux premiers surpassant de bien loin tout moyen de se pouvoir exprimer. À l'aventure reviendrait à ce propos l'invention de cet ancien peintre, lequel, ayant à représenter au sacrifice de Iphigénia le deuil des assistants, selon les degrés de l'intérêt que chacun apportait à la mort de cette belle fille innocente, ayant épuisé les derniers efforts de son art, quand se vint au père de la Vierge, il le peignit le visage couvert, comme si nulle contenance ne pouvait rapporter ce degré de deuil. Voilà pourquoi les poètes feignent cette misérable mère niobée, ayant perdu premièrement 7 fils, et puis de suite autant de filles, surchargée de pertes, avoir été enfin transmuée en rocher, diriguis et malis, pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité qui nous transit lorsque les accidents nous accablent surpassant notre portée. De vrai, l'effort d'un déplaisir, pour être extrême, doit étonner toute l'âme et lui empêcher la liberté de ses actions. Comme il nous advient, à la chaude alarme d'une bien mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, transis et comme perclus de tout mouvement, de façon que l'âme, se relâchant après, aux larmes et aux plaintes, semble se déprendre, se démêler et se mettre plus au large et à son aise, et viavix tandem voci laxata dolore est. En la guerre que le roi Ferdinand mena contre la veuve du roi Jean de Hongrie, autour de Bude, un gendarme fut particulièrement remarqué de chacun, pour avoir excessivement bien fait de sa personne, en certaines mêlées, et inconnu, hautement loué, et plein, y étant demeuré. Mais de nul tant que de Reissiac, seigneur allemand, épreint d'une si rare vertu. Le corps étant rapporté, cet huissier d'une commune curiosité, s'approcha pour voir qui c'était. Et les armes ôtées au trépassé, il reconnut son fils. Cela augmenta la compassion aux assistants. Lui seul, sans rien dire, sans scier les yeux, se tint debout, contemplant fixement le corps de son fils, jusqu'à ce que la véhémence de la tristesse, ayant accablé ses esprits vitaux, le porta raide mort par terre. Qui può dire come egli arde e in picciol fuoco, disent les amoureux, qui veulent représenter une passion insupportable. Misero quod omnes, eripit sensum mihi, nam simul te, lesbia aspecti, nihil est super mi, quod loquar amens, lingua set torpet, tenuis sub artus, flamma diemanat, sonitu suopte, tiniunt aures, gemina teguntur, lumina nocte. Aussi, n'est-ce pas en la vive et plus cuisante chaleur de l'accès que nous sommes propres à déployer nos plaintes et nos persuasions. L'âme est l'or aggravée de profondes pensées, et le corps abattu et languissant d'amour. Et de là s'engendre parfois la défaillance fortuite, qui surprenne les amoureux si hors de saison, et cette glace qui les saisit par la force d'une ardeur extrême, au giron même de la jouissance. Toute passion, qui se laisse goûter et digérer, ne sont que médiocres. Cure leves loquuntur, ingentes stupent. La surprise d'un plaisir inespéré nous étonne de même. Ut misconpexit venientem, et Troia circum, arma amens vidit, magnis exterita monstris, diriguit visu in medio, calor ossa reliquit, labitur et longo vix tandem tempore fatur. Outre la femme romaine, qui mourut surprise d'aise de voir son fils revenu de la route de Cannes, Sophocle et Denis le tyran, qui trépassèrent d'aise, et Talva, qui mourut en Corsègue, lisant les nouvelles des honneurs que le Sénat de Rome lui avait décernés. Nous tenons en notre siècle que le pape Léon X, ayant été averti de la prise de Milan, qu'il avait extrêmement souhaité, entra en tel excès de joie que la fièvre l'en prit et en mourut. Et pour un plus notable témoignage de l'imbécilité humaine, il a été remarqué par les anciens que Diodorus, le dialecticien, mourut sur le champ et pris d'une extrême passion de honte, pour en son école et en public, ne se pouvoir développer d'un argument qu'on lui avait fait. Je suis peu emprise de ces violentes passions. J'ai l'appréhension naturellement dure, et l'encroûte est épaissie tous les jours par discours. Fin du chapitre 2.